pour des remorques fiables, robustes et de qualité. C'est chez Remorque 2000 qu'il faut aller. Nous fabriquons des remorques pour tous les styles, que ce soit l'utilitaire, la cargo ou la gooseneck. Nous avons la remorque que vous cherchez. On peut même la fabriquer. Nous sommes distributeurs des marques québécoises. Remorque 2000, une entreprise 100% régionale. 643 rue de Quin, Dolbeau-Mistassini. 276-5343 ou remorque2000.com. Le propriétaire, M. Daniel Deschaines, souhaite la meilleure des chances aux organisateurs du Festival du Bleuet et invite la population à participer à l'événement. Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux, une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 2 août. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant des Saguenay de Chicoutimi qui ont échangé hier le défenseur Oscar Plandowski aux Islanders de Charlottetown en retour d'un choix de première ronde en 2020 et d'un choix de deuxième tour en 2022. De plus, les Saguenay vont recevoir un choix compensatoire lors du repêchage qui va avoir lieu l'an prochain. Un choix qui devrait être entre la deuxième et la troisième ronde. Plandowski avait été le choix de première ronde des Saguenay au dernier repêchage. Avait mentionné avant le repêchage qu'il était seulement intéressé à jouer avec des équipes des Maritimes. Cependant, Yannick Jean a tenté sans succès de l'emmener à Chicoutimi. Et c'est ce qui, évidemment, motivait cette transaction. On va parler maintenant de Balmol. Il y avait des matchs hier de Balmol à Robertval. Le Mégavac a défait Zodiac 10-6. Saint-Hubert 13, Garma 12. Et Pierre-Saint-Auxel a défait AEW par le pointage de 12-7. Au soccer, il y avait des matchs hier également dans la catégorie U16 féminin. L'Union de Robertval et Chinook de Chicoutimi se sont livrés un verdict nul de 0-0. Maintenant, Robertval a défait Saint-Amboise 1-0 dans un match de la catégorie U14 féminin. Et d'un autre match dans le U14 féminin, victoire du FC de Saint-Félicien, 3-0 sur le Boréal d'Alma. Hier, en entrevue sur les ondes de danradiosport.com, Pierre-Luc Ménard a bien voulu parler du club du Mille du secteur de Dolbeau. C'est une belle année cette année, une année un peu moins occupée, évidemment, parce qu'il n'y a pas de Jeux du Québec. On va écouter Pierre-Luc Ménard. C'est une année plus tranquille au niveau des compétitions d'athlétisme, considérant que c'est pas l'année des Jeux du Québec. L'année des Jeux du Québec, c'est toujours une grosse année. Les jeunes l'ont dans la mire de s'entraîner en fonction des Jeux du Québec. Les Jeux du Québec, l'année prochaine, ça va être fin juillet, début août encore. Okay. Fait que cette année, en n'étant pas une année de Jeux du Québec, la saison termine toujours plus tôt un peu. Mais j'ai toujours le même petit noyau là d'athlètes élites là qui sont capables de quand même bien performer sur la scène provinciale, puis j'ai même quelques petits marcheurs là qui s'en ligne sur la scène nationale. Mais écoutez la section entrevue de danradiosport.com. Hier on a parlé avec Michel Lallemand, directeur général du club de golf de Chougamau. On a également parlé avec Pierre-Luc Ménard du club du Mille du secteur de Dolbeau. On s'est entretenu aussi avec Benoît Lavoie qui sera fêté demain par le club Boréal d'Alma, où évidemment on fête celui qui est les bâtisseurs du club. Et également, vous pouvez écouter Sébastien Marceau du club de golf de Dolbeau-Mistassini. Sport local et régional à danradiosport.com.